Vous le constatez tous les jours, notre système auditif est capable de s'adapter à des variations de volume sonore spectaculaires et sans aucun problème. En revanche, il ne sait pas écouter deux sons en même temps. C'est d'ailleurs grâce à cette caractéristique que le format MP3 a été mis au point. Mais avant de vous expliquer comment, écoutez donc ces deux extraits. Un morceau de musique en qualité CD d'abord, puis le même converti au format MP3. Difficile d'entendre une différence, n'est-ce pas? Et pourtant, un grand nombre de notes ont été supprimées sur le MP3. Pour comprendre ce tour de passe-passe, il faut savoir que tout ce qui est enregistré sur un CD, les mélodies, les timbres de chaque instrument, les applaudissements, est codé sous la forme d'une succession de 0 et de 1. Ces fichiers numériques prennent énormément de place sur un ordinateur. Et pour les rendre moins volumineux, il n'y a pas de secret. Faut enlever des petits bouts, mais pas n'importe lesquels. L'auditeur doit quand même avoir l'impression d'entendre le même morceau. Alors, comment faire? Eh bien, il faut enlever tout ce qu'il n'est pas possible d'écouter simultanément. Par exemple, si deux guitares jouent chacune un morceau exactement au même volume, on entend soit l'une, soit l'autre, mais jamais les deux en même temps. Idem si un instrument en masque un autre par son volume sonore. Lors de la conversion au format MP3, on va donc supprimer en priorité ces parties non audibles. Ainsi, on peut réduire la taille des fichiers musicaux sans que nos oreilles s'en rendent compte, ni vu, ni entendu.